Le pas de loi, il ne faut pas. Marche-nous, pas de la neige. Marche-nous, pas de la neige. Marche-nous, pas de la neige.